C'est un roman qui nous embarque au début du XXe siècle dans un monde obsédé par un étrange matériau, la cavorite, qui permet aux voitures et aux paquebots de conquérir les airs. Dans ce monde où tout devient possible, Mars est une colonie humaine à portée de vaisseaux spatiaux, mais la découverte par Marie Curie du caractère périssable de la cavorite fait soudain vaciller la civilisation. Au milieu de cette société qui a basculé du jour au lendemain dans l'ultramodernité, évolue une galerie de personnages que tout sépare et que l'intrigue va rassembler. Les temps ultramodernes, c'est le titre du roman et son auteur, Laurent Genefort, est notre invité. Genefort, le vertige du futur, c'est le programme Uchronique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct et en public au Festival du Livre de Paris. Et bonjour Laurent Genefort. Bonjour. Vous êtes l'un des auteurs les plus prolifiques de la science-fiction française avec plus de 50 livres publiés. On vous doit entre autres la saga de Space Opera Omal, mais aussi la saga Spire. Et vous venez de publier chez Albin Michel Imaginaire ce magnifique roman intitulé « Les temps ultramodernes » qui va être au cœur de notre discussion aujourd'hui. Mais avant de démarrer cette conversation, il est l'heure de retrouver, comme chaque jour, celle qui, telle la cavorite, nous fait prendre de la hauteur sur l'actualité scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature qui identifie les deux facteurs responsables de la disparition des insectes. Oui, partout dans le monde, les populations d'insectes sont en chute libre, et pas seulement les abeilles et autres pollinisateurs. Cette équipe britannique a voulu enquêter sur les causes de cet effondrement. Les chercheurs ont fait une méta-analyse et ont passé au crible 260 études sur plus de 6000 sites à travers le monde, sur plus de 17 800 espèces d'insectes. Ils ont d'abord classé les sites avec une faible intensité agricole, une forte intensité agricole, avec beaucoup ou peu de zones semi-naturelles. Ils ont ensuite comparé avec les températures enregistrées sur chaque site. Alors lorsqu'il y a une vague de chaleur associée à une agriculture intensive, on observe une baisse de 50% de l'abondance globale du nombre d'insectes et une chute de 27% du nombre d'espèces présentes. Cette étude montre sans équivoque que l'augmentation des températures mondiales et l'agriculture sont les principaux moteurs de ce déclin. Les tropiques sont les zones les plus touchées. Joanne Van Baren est professeure à l'université de Rennes 1 et directrice de l'unité CNRS Ecobio. On sait que les changements climatiques sont responsables du déclin de beaucoup d'espèces d'insectes, mais est-ce que le changement climatique a le même impact dans une zone dans laquelle il reste des milieux naturels ou dans une zone totalement cultivée, anthropisée, quoi? Et ce qui montre, c'est que finalement, dans les zones où il reste des habitats naturels, le déclin des insectes est moins important que dans les zones intensives. Dans le cadre des changements climatiques, les insectes sont des ectothermes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réguler la température de leur corps. Et donc, ils sont très sensibles aux températures. Et en particulier, bon, il y a l'augmentation moyenne des températures, mais ce qui est plus important, c'est l'augmentation des extrêmes de température. Tous les insectes qui vivent dans les zones tropicales sont des insectes qui ont été habitués à des zones avec peu de variations et donc ils peuvent très mal résister à la moindre changement, même assez modéré. Tandis qu'en zone tempérée, les insectes ont l'habitude des variations de température, mais il faut que ça reste dans certaines limites, quoi. Il y a une baisse de 50% de l'abondance globale, quoi, le nombre d'individus, et une baisse de 27% du nombre d'espèces présentes. Donc c'est des chiffres assez considérables. L'apport majeur de cette publication, c'est un message d'espoir par rapport au déclin de la biodiversité des insectes, parce que ça montre que les changements climatiques affectent énormément la biodiversité des insectes, mais que par nos pratiques d'utilisation des terres, l'homme peut aussi répondre à ce déclin par des pratiques qui permettent de conserver, de protéger mieux la biodiversité. Puisque si on montre que quand l'habitat est en meilleure condition écologique, bah finalement le déclin est moins fort, ça veut dire qu'en restaurant l'habitat, en ayant un habitat moins intensif de façon agricole, on va limiter le déclin des espèces. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça montre notre pouvoir par rapport à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que toutes les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et tout de suite, dans l'actualité des sciences, Natacha, cette semaine et en ultra bref. Cette semaine, on apprend sans surprise que l'été 2021 en Europe fut le plus chaud jamais enregistré. Le rapport sur l'état du climat de Copernicus est paru ce matin. Le service européen de surveillance climatique indique que les 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1950. L'été dernier a été particulièrement frappé par le dérèglement climatique, inondations, canicules à répétition et méga-feux. En tout, 800 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Cette semaine, une équipe américaine vient d'inventer une nouvelle technologie d'impression 3D. Les imprimantes laser 3D, classiques, construisent des objets couche après couche, ce qui limite la gamme de formes imprimables. Alors pour contourner ce problème, ces chercheurs ont imaginé un système qui permet une impression volumétrique directement dans un bloc gélatineux. La technique s'avère être plus rapide et plus précise. Et enfin cette semaine, nous avons la confirmation que l'explosion du volcan Tonga en janvier dernier est la plus grande éruption du 21e siècle. Grâce à un algorithme, des chercheurs du CNRS ont pu déterminer son ampleur. L'explosion a éjecté un volume de 10 km3 d'une puissance équivalente à celle du Pinatubo aux Philippines en 1991. Une éruption à 6 sur l'échelle d'explosivité volcanique. Le maximum de cette échelle est à 8 pour des éruptions qui se produisent tous les 50 000 ans. Et on poursuit ce journal des sciences. Et aujourd'hui, SF oblige, ce journal de l'ASF. On commence ce journal de l'ASF avec une étude parue dans la revue Nature Communications. Une étude qui apporte une nouvelle preuve que Europe, la lune de Jupiter, est une candidate idéale pour la recherche de vie extraterrestre. Oui, on pense qu'Europe abrite sous sa couche de glace, très profondément, à une cinquantaine de kilomètres sous sa surface, un océan d'eau liquide. La mission Europa Clipper et JUICE devrait enquêter sur ce qui se passe dans les profondeurs de cette lune d'ici 2030. Alors cette équipe américaine a voulu comprendre le mécanisme de formation des structures qu'on observe partout à la surface d'Europe. Ce sont des doubles crêtes, c'est-à-dire de longues vallées qui peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres, avec de part et d'autre des crêtes de plusieurs centaines de mètres de haut. Alors dans une démarche de planétologie comparée, ces chercheurs ont trouvé un équivalent sur Terre à ces doubles crêtes. Et ils ont compris leur mécanisme de formation. Cet analogue terrestre, ce sont les doubles crêtes du Groenland. Et ces structures seraient provoquées par une remontée d'eau liquide. Alice Le Gall est planétologue et enseignante-chercheuse à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, au laboratoire de l'Atmos. Les chercheurs ont observé des doubles crêtes, il y a deux crêtes au Groenland, et ils ont fait plus que les observer, ils les ont sondés à l'aide de, notamment de ce qu'on appelle des radars à pénétration au sol. Et donc ces radars vont donner, pour faire simple, une image, une coupe verticale de ce qui se passe sous ces doubles crêtes au Groenland, et ont permis de montrer que sous ces doubles crêtes, il y avait de l'eau liquide, une poche d'eau liquide. Et donc, à partir de ces observations, les chercheurs de cette publication ont proposé un mécanisme de formation de ces doubles crêtes au Groenland qui passe par la cristallisation donc d'une poche d'eau enfouie, en l'occurrence sous une dizaine de mètres sous la surface. Cette cristallisation de la poche d'eau va mettre sous pression la glace, créer des fissures, des fractures par lesquelles l'eau liquide peut remonter, mais gèle assez rapidement, et créant de nouvelles fractures qui vont progressivement soulever la surface. Donc ce que proposent ces chercheurs, c'est que peut-être les doubles crêtes d'Europe se forment de la même façon. Et du coup, ça sous-entendrait que sous toutes ces doubles crêtes qu'on observe sous Europe, il pourrait y avoir aussi des poches d'eau liquide. Alors pas seulement à quelques dizaines de mètres, mais plus probablement en tenant compte des gravités, des conditions très différentes, à quelques kilomètres sous la surface. Des poches d'eau liquide peu profondes, l'existence de poches d'eau liquide sous la surface, moins loin que l'océan liquide d'Encelade, a forcément un intérêt pour tous ceux qui essayent d'estimer ce qu'on appelle l'habitabilité d'Europe, c'est-à-dire sa capacité à accueillir, à abriter une forme de vie. Puisque si on a de l'eau liquide pas très loin de la surface, il y a plus de chances que cette eau liquide soit en interaction avec la surface. sachant que sur la surface, on va trouver des ingrédients ou des éléments chimiques très intéressants, comme de la matière organique qui a pu être apportée par des comètes, ou bien des sels, des minéraux. Donc, le fait qu'il y ait de l'eau pas loin de la surface et que cette eau puisse échanger avec la surface amène à penser que peut-être dans ces poches d'eau liquide, on a finalement, aussi bien que dans l'océan enfoui d'Europe, tous les ingrédients nécessaires à la vie, en tout cas telle qu'on la connaît. En bref, une équipe de la NASA travaille actuellement sur une nouvelle tentative de communication interstellaire. Oui, après les tentatives infructueuses des messages délivrés par Harry Cibot en 1974, voici le projet Beacon in the Galaxy, un phare dans la galaxie. Des chercheurs de la NASA veulent envoyer un message aux extraterrestres qui seraient à l'écoute. Un message en code binaire qui serait diffusé jusqu'au cœur de la Voie lactée grâce aux ondes radio du radiotélescope géant chinois FAST. La missive contiendrait quelques concepts de base en mathématiques et en physique, les constituants de notre ADN ainsi qu'une feuille de route pour rejoindre la Terre. En bref, toujours, une serre a été placée en orbite autour de la Terre. Oui, le laboratoire d'exploration spatiale et planétaire de l'Université du Chili a envoyé PlanetSat, une serre spatiale à 550 km d'altitude. Alors, c'est une toute petite serre, un nano-satellite de 3 kg de la taille d'une bouteille d'eau. Et ce CubeSat contient une plante, la Tillandsia, qui survit dans des environnements extrêmes avec juste un minimum d'oxygène. L'objectif est d'étudier comment cette Tillandsia se développerait sur Mars dans des conditions similaires, avec une faible pesanteur et soumise aux radiations. Deux autres serres spatiales devraient être envoyées cette année. Et côté fiction, Code Quantum va avoir droit à son remake. On en sait plus sur son casting et sur son pitch. Et la nouvelle série s'annonce être une suite des 5 saisons cultes diffusées de 1989 à 1993. 30 ans après la disparition du docteur Sam Beckett dans l'accélérateur temporel, son successeur relance le projet de voyage dans le temps et va se retrouver coincé dans les années 80. La série est toujours produite par NBC, elle est écrite et supervisée par le créateur originel, Donald Belisario, et Ernie Hudson, qu'on connaît dans SOS Fantôme, vient de rejoindre le casting. C'est peut-être un jour un épisode de La Méthode Scientifique consacré à Code Quantum. Peut-être. Et comme chaque vendredi, Natacha, on termine par la rubrique des sciences improbables, le hard rock pourrait améliorer les performances d'un chirurgien. Et ce sont les conclusions d'une étude faite par des chercheurs allemands qui ont mené donc une expérience avec de jeunes chirurgiens pour tester l'effet de la musique sur les performances laparoscopiques, une technique chirurgicale sur la cavité abdominale. Alors, les chirurgiens ont donc opéré dans le silence, avec différents types de musique, avec différents volumes sonores. Et il se trouve que les chirurgiens qui écoutaient du AC/DC très fort, se sont montrés beaucoup plus performants, ils ont été beaucoup plus précis et deux fois plus rapides que lorsqu'ils écoutaient les Beatles. Laurent Genefort, plutôt AC/DC, plutôt Beatles. Plutôt Beatles, mais j'aime bien les deux en fait. Bon, vous pourriez faire un chirurgien moyen. Les Bells en version Beatles. Ben voilà, rêvons un peu. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp. Dans les temps ultramodernes de Laurent Genefort, il y a Renée, l'institutrice fraîchement débarquée à la capitale et qui se retrouve nez à nez avec un martien tombé du ciel qu'elle recueille. Il y a aussi Maurice, le policier proche de la retraite qui mène une dernière enquête aux côtés de Marthe, la journaliste scientifique. On croise Georges, l'artiste, qui s'engage dans un réseau anarchiste, et Marcel, le médecin eugéniste qu'une mystérieuse organisation veut envoyer vers Mars. En toile de fond, Paris, ville ultra-moderne en proie à des tensions sociales et politiques, où les voitures volent, où les paquebots s'amarrent à l'une des quatre tours Eiffel et où la cavorite, matériau supprimant la gravité, dicte la course au progrès. Les temps ultra-modernes est un roman uchronique, une fable scientifique, mais aussi un hommage aux pionniers de la science-fiction. Laurent Genefort, on va donc voyager avec vous tout au long de cette heure dans ce très beau roman. Pour commencer, peut-être une question toute simple. Quelle en a été la genèse? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de son écriture? Alors, l'élément déclencheur, ça a été déjà le désir de faire autre chose que du space opéra, qui était mon travail marotte. De fond, voilà, ma marotte. Et puis c'est vrai que j'avais l'habitude d'être ailleurs et demain tout le temps. Et j'ai à un moment j'ai eu envie de me rapprocher de la Terre un peu. Et du coup, ça j'ai fait un saut dans le temps. C'est pareil, je me voyais pas il y a encore 10 ans, il y a plutôt 20 ans, faire une histoire qui se passerait en 1925. Et voilà, parce que pour moi, la science-fiction, c'était l'avenir. Mais en fait, non, c'est un processus de pensée plutôt qu'un, voilà, plutôt qu'une époque. On peut faire de la science-fiction qui se passe à la préhistoire, si on veut. Ce qui est amusant, quand j'ai préparé cette émission, j'ai vu que vous aviez commencé l'écriture du livre en écrivant une critique du livre, avant même qu'il soit écrit, une critique fictive. Racontez-nous un petit peu dans quel contexte vous avez pondu la critique de votre propre livre. Alors en fait, c'est parce que c'est vrai que c'est, puisqu'on parle de jeunesse, c'est une jeunesse qui a été... j'ai vraiment pris mon temps, parce qu'en réalité, l'idée de départ, ça remonte à 2003. Et le livre ne s'est pas fait parce que l'éditeur m'a planté, tout simplement. Donc ça m'a un peu, voilà, ça arrive exactement. Et quelques années plus tard, un autre éditeur qui est le Bélial, qui est un de mes éditeurs principaux, faisait dans sa rentrée littéraire, il nous avait demandé d'imaginer de faire une critique d'un livre qui n'existait pas. Et comme ce livre-là, je l'avais complètement abandonné, je me suis dit, je vais en faire la critique. Voilà. Donc j'ai fait la critique de ce livre qui n'existait pas. Voilà. Et puis, longtemps après, presque 10 ans plus tard, un autre éditeur, Gilles Dumais, donc de Albin, Albin Imaginaire, m'a demandé, il me faudrait un roman, il m'a commandé un roman, et là, finalement, ça demandait qu'à... Finalement, c'est Gilles le déclencheur, voilà, je pense. Vous avez bien fait de vous accrocher. Alors, plantons un petit peu le décor de ce roman. On y rentre par une arrivée en train, une arrivée en gare de Paris, après l'entrée du train en gare de la Ciotat. Là, c'est l'entrée du train en gare de Paris. Et tout de suite, on est plongé dans un univers visuel très marquant. J'ai pris un plaisir vraiment fou à lire ce livre. Et quand on rentre dans le livre, immédiatement, c'est comme des cases de bande dessinée qui sautent au visage. On a des images très, très fortes et visuellement, c'est très, très parlant. Expliquez-nous un petit peu à quoi ressemble ce Paris que vous nous mettez devant les yeux dans ce livre. C'est une provinciale qui monte à Paris, c'est une institutrice qui vient de la Creuse et où j'ai des attaches là-bas, qui monte à Paris tout simplement pour chercher du travail et elle est confrontée d'emblée à une mécanisation très forte. Parce que ça passe effectivement par la cavorite, mais aussi par une mécanisation de la chaussée. Donc elle va. On a les premiers escalators, on a les trottoirs roulants qui sont inspirés de l'exposition universelle de 1900. Mais là, pour le coup, c'est complètement implanté dans tout Paris. Donc elle est confrontée elle est plongée assez brutalement dans ce monde ultramoderne et elle est y a un pouvoir de fascination qui est pour le coup très vernien. Pour moi c'était, je voulais faire vraiment un premier chapitre à la Jules Verne, c'est-à-dire la poésie de la machine. Ouais, parce que tout de suite on est plongé dans un univers technique, alors de façon assez onirique dans ce voyage en train, puisqu'on est confronté à des paquebots qui volent au-dessus de la canopée, au-dessus des arbres. Alors moi j'ai pensé à Herzog, on peut penser à d'autres images, à Werner Herzog, à Fitzcarraldo, cette péniche qui traverse une montagne, qui passe au-dessus d'une montagne. Il y a peut-être d'autres complètement, inspirations. Oui, l'image qui m'avait inspiré ça, enfin précisément, c'était une péniche, je crois que c'était aux Pays-Bas, qui traverse un canal, mais la photo avait été prise au ras du sol, donc on avait l'impression que la péniche elle glissait sur la terre, sur un champ directement. Voilà, donc ça m'avait marqué. Un des éléments clés du livre et autour duquel tourne tout le récit, un peu comme un totem, un peu comme ce totem dans 2001, l'Odyssée de l'espace, cette espèce de pierre noire, c'est la cavorite, ce matériau un petit peu mystérieux. Expliquez-nous sa genèse et puis voilà, quelles sont les vertus de ce matériau magique. Alors, la genèse, c'est parce que j'ai pas inventé la cavorite. La cavorite, c'est H.G. Wells qui l'imagine pour son livre Les premiers hommes dans la Lune, qui date du tout début du XXe siècle. Mais chez Wells, c'est vraiment c'est un moyen. C'est juste un moyen pour aller dans la Lune. Donc il imagine une espèce de matériau qui est impénétrable aux ondes de gravité, ce qui fait que ça annule et tout ce qui se trouve à l'intérieur, protégé par cette matière. Qui est un peu enduite sur le module lunaire, un petit peu comme de la peinture au plomb. Vous voyez. Et tout ce qu'il trouve à l'intérieur de ce module n'est plus soumis à la gravité. Donc hop, ça va jusqu'à la Lune. Moi, pour le coup, je voulais, et là c'est un exercice d'écrivain de science-fiction moderne, je voulais le rattacher à en faire plus qu'un juste un moyen. Je me suis amusé à créer une sorte de rétrophysique alternative où, pour le coup, la cavorite n'est pas imperméable à la gravité. Elle génère de l'antigravité, ce qui est très différent, parce que dans la cavorite, qui est à la base le minerai, dans lequel il y a un élément actif qui s'appelle le cavorium, qui était un élément de la table de Mendeleïev. Mmh. Et cet élément, un peu comme le radium, il est radioactif. Et en se désintégrant, il génère un champ qui est, lui, antigravitatif. Ce qui est passionnant dans ce livre, c'est que c'est aussi toute une interrogation autour du progrès. La cavorite est surnommée le vertige du futur. Je vous ai piqué l'idée pour le titre de l'émission. Est-ce que ce livre-là est vraiment justement, à partir de la cavorite, une pure réflexion sur notre rapport au progrès et le rapport au progrès qu'avaient nos sociétés au début du XXe siècle? Oui, et puis c'est un clairement hein, la cavorite, c'est le radium, en fait c'est l'ouverture d'une nouvelle physique. Moi c'est ça qui m'a intéressé, là où c'est vraiment très début 20e siècle, ouais. Mais ça raccorde finalement avec plein d'époques hein, finalement à chaque fois qu'il y a eu une percée majeure, que ce soit la physique quantique, la découverte ou de façon ponctuelle la découverte des exoplanètes. Quand on a un changement majeur, en plus de ça, la cavorite, elle a cette capacité à annuler la gravité, et en soi, ça va démultiplier la puissance humaine. Oui, parce que la cavorite est partout, elle permet de faire voler les paquebots, elle permet de faire voler des vaisseaux spatiaux, et puis les voitures aussi, enfin, ça crée tout un panorama vertical assez, assez saisissant. Oui, l'humanité, tout à coup, est en 3D, quoi. Et dépendante aussi extrêmement de ce matériau-là. Une question, vous utilisez donc cette cavorite-là dans un contexte terrestre. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'ancrer votre récit sur Terre, dans une société au début du XXe siècle, et pas dans un endroit dystopique sur une autre planète? Parce que ça aurait pu marcher aussi, après tout. Alors, j'ai voulu me colter à l'histoire, en fait, de notre planète. Ça, c'est quelque chose que le space opéra ne permet pas de faire. Et c'est vrai que c'est une facilité, c'est à la fois une facilité pour les auteurs de space opéra comme moi, de s'évader et de couper les ponts avec le réel, que ce réel soit l'histoire ou le monde contemporain. Et remettre comme ça les pendules à zéro dans le space opéra, c'est un exercice qui est difficile pour construire un nouveau monde, mais ça rend les choses faciles pour s'immerger. C'est-à-dire que dans la mesure où on est sur une page blanche, c'est plus facile de s'immerger à partir d'une page blanche, en fait. Mmh. Là, quand on s'inscrit dans notre histoire, là, pour le coup, les contraintes sont très très fortes. Et j'avais envie, moi qui ai toujours été nul en histoire, j'avais envie de me colter avec cette espèce d'Everest qui est pour moi l'histoire avec un grand H. Alors cette histoire avec un grand H, justement, vous dites qu'elle vous fait peur. Vous le disiez, voilà, vous êtes un habitué des space opéra. L'Uchronie, d'habitude, on fait un peu ce qu'on veut, finalement, des événements historiques, on les retourne. Vous passez pas par une modification d'un événement historique, mais bien par une modification scientifique. Ça a été vraiment votre porte d'entrée dans l'Uchronie, cette cavorite et cet aspect scientifique. Oui, c'est ça. Alors, l'Uchronie, elle a effectivement commencé par des histoires, surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Comme genre, il est né vraiment avec l'idée avec le principe d'un événement qui se passe ou qui ne se passe pas et qui va entraîner une modification du flow de l'histoire. Et donc une sorte de branche alternative de l'histoire. Mais ça, c'était vraiment les tout premiers récits d'Uchronie. Depuis, il y a eu plein. Le genre s'est étoffé. Il est devenu un vrai genre à part entière, avec des tas de variations et de principes différents. Moi, mon principe, ça a été effectivement de pas prendre un événement historique, c'est-à-dire comme une guerre qui est perdue au lieu d'avoir été gagnée, ce genre de choses. C'est quelque chose de plus, de moins ponctuel et de plus fondamental, qui est une nouvelle physique et la découverte de quelque chose qui va changer le tissu industriel et qui va impacter qui va amplifier l'économie monde dans lequel on se trouve. Parlons justement de cet instant-là. Pourquoi l'avoir ancré, ce livre, dans le tout début du XXe siècle, dans les années 20? On est en 1925. La Première Guerre mondiale n'est pas spécifiquement la Première Guerre mondiale. C'est une guerre européenne qui a duré 2 ans, je crois, dans le livre. Pourquoi ce début de XXe siècle est aussi important comme panorama historique? Alors moi j'ai bien aimé d'abord d'un point de vue scientifique parce que c'est vraiment la fin d'une époque et le début de la science moderne. Pour moi c'est le vrai début de la science moderne, c'est la relativité, la physique quantique et la théorie de l'évolution qui commence à se répandre et à imprégner la société tout entière. Et c'est aussi les débuts de la science-fiction. D'ailleurs, qui accompagne ça, c'est-à-dire que c'est la mort d'un âge mécaniste où on pensait avoir quasiment tout compris. La science, à la fin du 19e siècle, beaucoup de savants pensaient qu'on avait tout découvert. Mmh. Et là, tout à coup, on redécouvre du mystère et des phénomènes qui font basculer dans l'inconnu complet toute notre lecture de la réalité. Et c'est pour ça que le début du XXe siècle, c'est formidable pour ça. C'est un champ de... C'est les débuts presque de la spéculation en science. Mmh. En fait. Et toute proportion gardée, bon, on parle du passé, vous avez beaucoup travaillé dans des projections futuristes. On va parler un peu de présent, toute proportion gardée. Est-ce que cette époque-là, finalement, elle est assez voisine de la nôtre dans ses questionnements, dans ses instabilités? Est-ce que ça a remué quelque chose en vous? Oui, de toute façon, d'abord les connexions, on peut toujours en faire à partir de... Je pense que toutes les époques se répondent, mais celle-là peut-être en particulier, d'abord parce que on voit les limites de notre physique aujourd'hui. On cherche des nouvelles particules qui pourraient, ce fichu modèle standard. On cherche à s'en évader. On a deux physiques qui ne peuvent pas se rejoindre. Voilà, une fois tous les 3 mois, on a dans les revues scientifiques et une nouvelle porte vers une nouvelle physique. Donc, on sent qu'on est à la fin d'une ère scientifique et ça ressemble beaucoup à la fin du 19e et au début du 20e. Dans ce livre, donc, on a une forte dimension scientifique, comme on le comprend. Ça nous envoie vers des genres, des sous-genres de la science-fiction, comme la hard science, où là, vraiment, on part de postulats scientifiques logiques dans le contexte de la fiction. On parle aussi, pour les temps ultramodernes, Laurent Genefort, de steampunk. Est-ce que c'est un qualificatif qui vous convient? Le steampunk, c'est ce genre inspiré un petit peu de l'Angleterre victorienne, avec la première révolution industrielle, les machines à vapeur. Est-ce que là, vous inventez un genre nouveau, l'atompunk? Est-ce que vous inventez... J'aurais bien aimé. Mais non, atompunk, ça existe déjà. Et c'est plutôt vers les années 50, puisque c'est... s'il fallait, parce que nous, on adore en science-fiction mettre des punks partout, ce serait du ray-punk, c'est-à-dire... Et ça correspond assez bien, finalement, d'abord au niveau de l'époque, c'est-à-dire début du 20e. Donc, il y a déjà des moteurs à explosion, il y a surtout les premières matières radioactives et la naissance de la science atomique. C'est par la définition de l'atome qui est née aussi la physique moderne. C'est-à-dire que on a découvert la structure de l'atome vraiment entre 1900 et 1925. Donc ça correspond parfaitement. Enfin, ça correspond à mon truc. Et d'ailleurs, les savants atomistes de l'époque, de Becquerel au Curie, en passant par Röntgen, etc., ils ne vont pas étudier le radium, mais le cavorium, justement, qui est un matériau radioactif et qui va leur permettre de découvrir cette physique alternative qui aboutit au fait que on est dans une physique newtonienne et où la gravité n'est pas l'espace-temps n'existe pas, en fait. C'est ça. Einstein n'existe pas, l'espace-temps n'existe pas au sens de l'espace-temps comme entité. Là, l'espace et le temps, ils restent disjoints. La gravité est une force nucléaire. Elle est contenue c'est une des caractéristiques du noyau atomique qui contient cette force. Voilà. Vous parliez de ces grands noms de scientifiques qui ont bien existé, comme Marie Curie, comme Becquerel. Marie Curie, dans votre roman, elle est à l'origine d'une découverte qui, justement, fait vaciller la société. Je le disais en introduction de l'émission. Qu'est-ce que c'est que cette découverte et qu'est-ce que ça va provoquer comme ressort narratif pour vous en tant qu'écrivain? Alors oui, dans mon uchronie, le cavorium, il est découvert vers 1895 et à l'époque on connaît pas la notion de demi-vie d'un matériau radioactif Et ce que va découvrir Marie Curie, Marie et Pierre d'ailleurs, c'est que le cavorium a une demi-vie de 20 ans seulement, alors qu'on pensait que c'était qu'il était immortel, on va dire, ou en tout cas que son action, elle n'avait pas de durée dans le temps, mais en fait elle a une durée très très brève, seulement 20 ans. Et du coup d'ailleurs, tous les paquebots volants qui sont plaqués comme ça de cavorite, commence d'ailleurs à baisser un peu. On voit l'espèce de ligne de flottaison. Normalement, un paquebot volant vole à peu près à 10 mètres au-dessus du sol. Et bien, on voit en fait qu'il perd des centimètres année après année. Et on ne sait pas pourquoi. Et là, Marie Curie, elle va trouver pourquoi le champ d'antigravité commence à faiblir un peu partout. Et ça provoque une instabilité majeure, un krach boursier avec des hommes d'affaires qui se suicident. C'est l'ouverture du roman, c'est une petite brève de presse. Alors on en parlera après aussi de cet aspect un petit peu mélange des genres avec la presse, avec voilà la fiction qui se percute avec le réel. D'un point de vue social aussi, ce roman est vraiment très intéressant parce qu'il nous met face à des questions auxquelles on est confronté encore aujourd'hui, à une lutte des classes, à des mélanges en tout cas de combats sociaux qui perdurent. Expliquez-nous un petit peu l'importance qu'a eu aussi cette dimension politique dans votre travail. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que il y a le côté purement industriel qui fait que la cavorite, c'est un tel amplificateur de force qu'on va investir énormément d'argent et de moyens pour extraire le cavorium des mines, la cavorite des mines. Et donc tout va voler, quoi. On est dans un monde où les péniches, les voitures, même les gadgets, il y a même des gadgets. Oui, il y a les électroshops. Voilà. Sauf que évidemment, c'est un petit peu comme le pétrole. C'est-à-dire que c'est a posteriori qu'on commence à se rendre compte que les mines sont quasiment qu'on a exploité quasiment toutes les mines et que les prospections ne donnent rien et puis que la cavorite elle-même en fait que le cavorium a une durée de vie très très faible, et ça ce sont ces deux choses conjuguées qui vont provoquer une panique. Et donc le premier krach boursier, au lieu de se produire en 1929, il se produit en 1923. Voilà. Mais ce que je montre aussi, c'est que la cavorite, comme elle a la localisation des mines, là où se trouvent les mines, va déterminer une nouvelle géopolitique. Et c'est ça qui est aussi un des traits les plus importants, c'est que le visage politique et géopolitique de ce monde alternatif, il est façonné par où se trouve, où on peut trouver de la cavorite et où on peut l'exploiter. Et cette course, elle fait faire des bêtises aux humains, elle leur fait faire même coloniser d'autres planètes, comme la planète Mars notamment. On va en parler dans un instant, ce sera juste après ça. C'est Paris par Miss Tinguette dans la méthode scientifique sur France Culture. Une méthode scientifique qui est aujourd'hui en direct et en public du Festival du Livre de Paris. Nous recevons aujourd'hui Laurent Jeunefort qui vient de faire paraître aux éditions Albin Michel Imaginaire les temps ultramodernes. On parlait avant la pause musicale, alors c'est un petit clin d'œil parce que Miss Tinguette est aussi dans un autre, une espèce de side project des temps ultramodernes, l'abrégé de cavourologie dont on va parler dans un instant. On parlait avant la pause musicale de la Terre. On va parler maintenant du pendant de la Terre dans les temps ultramodernes qu'est la planète Mars. Alors là aussi, vous coltez à une espèce de parangon du récit de science-fiction, la planète rouge. À quoi elle ressemble, votre planète rouge, à vous, et qu'est-ce qu'elle est, de quoi elle est la métaphore? Alors, la planète rouge, c'est pas tout à fait la mienne, justement. Je me la suis appropriée. C'est celle de Gustave Le Rouge, de son roman Le prisonnier de la planète Mars, puisque les temps ultramodernes, c'est la rencontre de deux univers littéraires, qui sont les premiers hommes dans la Lune de Wells et Le prisonnier de la planète Mars de Gustave Le Rouge. Alors là, je voulais, pareil, dans le même, puisque, comme c'est une uchronie, et c'est surtout de la rétro-SF, c'est-à-dire que je me place dans les conditions de connaissance du monde de l'époque. Or, à l'époque, le consensus scientifique, c'était il y a une atmosphère sur Mars, elle est probablement peuplée, et donc je me place dans ce contexte-là. Et je suis un gros fan de Gustave Le Rouge, donc j'avais envie de toute façon de lui rendre un hommage avec sa Mars, je dirais. Oui. Alors par contre, du coup, j'ai repris un certain nombre de ces, Les airs lourds, par exemple. Voilà, les rumbus, etc. Ouais. C'est-à-dire toutes ces créatures, qu'on peut trouver dans les temps ultramodernes, elles sont dans Le prisonnier de la planète Mars. Par contre, j'ai fait un travail de, encore une fois, un petit peu comme sur la Cavorite, d'écrivain de SF moderne, c'est-à-dire que je leur ai donné une évolution. J'en fais une biosphère. J'ai créé une biosphère à partir de ce qui était plutôt un décor. Alors ce décor-là, des humains veulent s'y rendre. Ils s'y rendent d'ailleurs avec des vaisseaux spatiaux qui s'appellent par exemple l'Éthéré. Là, à nouveau, on est dans des... Alors ça suscite des images très étranges. Ça nous fait vraiment penser à l'histoire des grandes migrations européennes au 19e siècle ou même avant. Ça nous fait penser aux histoires de migration actuelles. Qui s'embarque sur ces vaisseaux-là? Quelle société s'embarque pour aller coloniser Mars dans votre livre? C'est un peu l'histoire des migrations humaines, hein, tout simplement. Et il y en a eu beaucoup au début du 20e siècle, d'abord, vers les États-Unis surtout. Mais en réalité partout, l'homme n'a cessé de migrer. Donc en réalité, c'est un thème qui moi me paraît complètement universel pour le coup. Ce que j'avais voulu montrer, et c'est une des, pour le coup, peut-être des images les plus qui m'ont donné envie de faire le roman, c'est d'imaginer, c'est quoi. Parce que quand j'étais gamin dans les années 70, je voyais encore des vieilles femmes en sabots. Ça existait encore, en fait, quand j'étais gamin. Et je me suis dit, en 1925, c'est quoi de s'embarquer pour Mars quand on a encore de la paille dans les sabots? Et c'est ça, ces sortes de clash d'images. Oui. Qui s'embarquait pour les États-Unis, c'était les mêmes. Voilà, c'est ces grands paquebots avec leurs trois classes, avec les trois classes sociales qui se mélangent. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle quand même un petit peu aussi de recoloniser Mars, en tout cas de coloniser Mars tout court. Qu'est-ce que vous, en tant qu'auteur de science-fiction, ça vous fait quand vous entendez parler à un type comme Elon Musk dire qu'il va installer des colonies sur Mars dans un futur plus ou moins proche? Pour le moment, je reste témoin. Un peu amusé, je dois dire, au vu quand même de la complexité de la chose, mais j'observe, j'allais dire, je suspends mon jugement. Je crois pas que ce soit vraiment. Il faut que ce soit un mouvement, je pense, pas forcément d'un seul homme. Ça peut pas marcher si c'est la lubie d'un seul homme, mais s'il faut que ça réponde à un vrai désir collectif. Voilà, à partir du moment où le désir collectif y est, je pense que l'intendance suit. Mais voilà, et qu'en est-il du désir collectif? Ce qui est intéressant dans les temps ultramodernes, c'est qu'on sent qu'il y a un travail de fond et un travail de documentation et un travail de collection d'archives qui est vraiment immense. Alors ce travail-là, il est résumé dans un petit abrégé de cavorologie qui est signé du nom d'Hippolyte Corégone. Alors là, il y a plein de mystères qui surgissent. Et c'est une espèce de théorie scientifique incroyable avec l'influence de la cavorite sur la société, sur la politique, sur l'économie, mais aussi tout un tas d'explications scientifiques. Expliquez-nous ce que c'est que ce petit abrégé de cavorologie. Alors l'abrégé de cavorologie, oui, c'est une espèce de manuel ou de petit ouvrage de vulgarisation qui date de 1931 et qui est à l'usage des bons pères de famille, voilà. Et cet abrégé, en gros, ça m'a servi de bible pour mon univers, et ça m'a permis de ne pas avoir à expliquer, à pas alourdir le roman d'explications trop techniques. Et là, pour le coup, c'est l'abrégé, c'est 100 pages de pure technique. Qui est Hippolyte Corrigon ? Dites-le nous. Alors Hippolyte Corrigon, comment l'appeler ? C'est un anagramme d'un auteur imaginé par Burroughs, imaginé un auteur de science-fiction raté qu'il avait nommé Kilgore Trout dans un ou deux de ses romans, et qui a été repris par des vrais auteurs de science-fiction de l'époque, dont Farmer par exemple. Et j'ai repris ce nom Kilgore Trout, je l'ai un peu modifié en rajoutant mes initiales, je crois, et puis dans l'anagramme ça donnait Kelrigo Corrigon. Et Kelrigo, ça faisait un peu bizarre, donc je l'ai changé en Hippolyte, et voilà, ça a donné, voilà. Donc, mais là, c'est les chemins tortueux de la création, on va dire. Les chemins tortueux de la création, venons-en. Comment vous travaillez ? On aime bien aussi savoir comment un auteur de science-fiction se documente au quotidien, comment il organise. Est-ce que vous avez des panneaux sur lesquels vous scotchez des images ? Est-ce qu'il y a vraiment une méthode, Laurent Jeunefort, pour écrire un roman de science-fiction aussi documenté, aussi logique scientifiquement que le vôtre ? Alors, il y a une méthode Laurent Jeunefort, mais qui ne marche que chez Laurent Jeunefort, et encore, des fois ça marche pas. Donc c'est de noircir des carnets, de notes. Voilà. J'essaie d'absorber un maximum de choses, et après, une fois que j'ai, ou même en cours de route d'ailleurs, au fur et à mesure que j'écris des notes, il y a des correspondances qui se font entre les notes. Par proxémie, ça m'inspire une idée qui inspire une autre idée qui inspire une autre idée, et puis de cette agrégation de notes, et puis surtout de ce réseau entre les notes où je fais les liens un peu comme une sorte d'hypertexte, c'est de là dont l'histoire sort de là, en fait. Ouais. Et en général j'ai pas à faire de script de mes romans parce que l'histoire elle est contenue dans l'histoire, c'est ce réseau même. C'est ce réseau entre les notes. Alors ce réseau entre les notes, et puis aussi entre les publications, on évoquait donc l'abrégé de cavorologie, il y a le roman, et puis il y a aussi des nouvelles qui, elles, sont plus proches de ces extraits de coupures de presse qu'on voit un petit peu dans le roman, enfin en tout cas cet aspect un peu feuilletonnant et cet aspect un petit peu suite de petites histoires. Est-ce que ça aussi, cette nouvelle-là, l'aspect nouvelle qui a été publiée notamment dans la revue Bifrost, c'est quelque chose qui fait partie de cette architecture en réseau de votre travail littéraire? Oui, complètement. Alors pour les chapitres intitulés Cavorite, ce sont des faits divers et donc très très courts. C'est des articles de presse, c'est des articles de presse ou des extraits d'articles de presse qui arrivent une fois tous les quatre chapitres et qui permettent de traiter d'un aspect pareil que j'ai pas le temps de traiter dans le cadre du roman, mais dont j'ai envie d'enrichir l'univers. Mmh. Et ça me permet de traiter, et d'autant que les faits divers, c'était un des grands genres, presque un genre littéraire, presque, en fait, au début du XXe siècle, qui a vraiment trouvé son apogée vraiment justement vers les années 1900-1910. Après, c'est devenu un petit peu c'est quelque chose qui a commencé à se parodier lui-même, mais c'était très élaboré, il y avait des canevas, etc. Et ça donne une idée, comment on veut montrer le monde à travers un canevas presque fictionnel. Ouais. Parmi les personnages d'ailleurs qui occupent les temps ultramodernes, Laurent Jeunefort, il y a une journaliste. Parlons-en un petit peu de ces personnages. C'est des figures vraiment marquantes qui ont chacune leur personnalité. Vous les avez sacrément bien ciselées. Est-ce qu'on peut les décrire un petit peu pour donner aux personnes qui nous écoutent envie d'aller lire les temps ultramodernes ? Si on commence un des personnages qui m'a le plus intrigué, c'est Chéri. C'est le personnage du médecin eugéniste qui est toujours sur la brèche entre la grande méchanceté et une forme de connaissance de l'humanité sur le bout des doigts. Alors, Chéri, alors c'est pas une référence à Lloyd Cherry, qui est un copain salue, qui fait un voilà qui fait un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Non, aucun rapport avec lui. C'était, j'avais fait du Verlan à partir de Charles Richet, qui a été un médecin prix Nobel, hein, d'ailleurs, enfin un grand médecin, mais qui a versé à partir d'une certaine époque dans les théories eugénistes. Et donc j'ai pris ce personnage-là, je l'ai mixé un peu avec un docteur Petiot ou un voilà, enfin quelqu'un de un expérimentateur un peu trouble, quand même. D'encore ouais. plus louche, on va dire. Et ça donne une préfiguration des médecins de la mort, des médecins nazis, quoi. Oui, parce que ça, cette grande histoire-là aussi de la Seconde Guerre mondiale et des médecins nazis, elle est présente un petit peu aussi en filigrane dans les temps ultramodernes. Ces idées-là sont en germe dans les années 20 et vous le montrez de façon assez délicate. Mais là, on voit aussi l'histoire, la grande histoire qui revient au galop. Bah, en fait, oui. Ce que je montre d'abord, c'est que on n'a pas attendu les années 40 pour inventer les camps d'extermination. Ça date du début du XXe siècle, en réalité. J'en ai mis en scène. Mais effectivement, tout était là, quoi. Tous les ferments idéologiques étaient là, et la Cavorite. Encore une fois, c'est un amplificateur, et quand on lui grève dessus des idéologies scientistes, qui ont donné au final le nazisme, par exemple, ça aurait pu commencer effectivement beaucoup plus tôt. Parlons des autres personnages maintenant. Donc, on a parlé du docteur Marcel Chéry. Il y a Maurice Peretti, un flic qui est sur le bord de la retraite, et puis qui, paf, il y a une affaire incroyable qui lui tombe entre les mains. Oui, là aussi. Alors, c'est un petit peu. Tous ces personnages-là et mes personnages, c'est un peu des. Pour moi, je les ai pris comme des instances. Mmh. Même s'ils avaient une vraie corporalité dans mon esprit, je leur ai donné une vraie. Enfin, ils sont singuliers. Pour moi, ils existent. Mais ce sont des instances et des figures un peu emblématiques d'une époque. Maurice Peretti, lui, c'est le flic qui va découvrir une filière de cavorite clandestine. Et lui, il représente là. Et d'ailleurs, c'est un flic qui fait sa dernière affaire avant de prendre sa retraite. Et lui, il représente vraiment le flic à l'ancienne, c'est-à-dire le cogne. Ouais. C'est quelqu'un qui n'enquête pas. C'est une police qui n'enquêtait pas. Qui était plutôt une police de réseau d'informateurs, mais la notion d'enquête moderne avec la recherche de preuves, c'est quelque chose en réalité de très très moderne. Oui, il y a un instant très les experts aussi où il va faire analyser justement ce. Voilà, c'est ça. Mais sauf qu'à l'époque, ça existait quasiment pas. Et voilà. En fait, ce que je montre aussi, c'est la naissance des temps ultramodernes, c'est la naissance des temps modernes en réalité, et ça fait partie de ces changements de paradigme aussi. Mmh. On pourrait parler également de René qui recueille ce Martien qui est tombé du ciel, de Marthe, cette physicienne. Voilà. Donc elle, René, c'est une institutrice, et elle, c'est un peu une sorte de Saint-Simonienne. Elle croit vraiment au progrès et au progrès par l'éducation. Mmh. Elle est très Troisième République. Elle est très Troisième République, exactement. C'est vraiment c'est l'émancipation par le savoir, et elle l'applique auprès de tout le monde sans se préoccuper des races. Mmh. Et donc, elle va se prendre sous son aile un Martien, si j'ose dire, puisque c'est le Martien qui a des ailes, pas elle. Ouais. Voilà. Alors, on avance un petit peu dans cette discussion autour des temps ultramodernes. J'évoquais les images proches de la bande dessinée que nous offrent les temps ultramodernes. Laurent Genefort, si vous deviez voir une adaptation de ce roman-là, quel serait le support idéal pour vous? Ce serait un film, une BD, un jeu vidéo même, puisque je crois que vous avez un peu travaillé dans ce domaine-là. Aucune idée. Je pense que les trois manipulent de l'image, enfin se fondent sur l'image. Ce sont des arts audiovisuels. Je crois que sauf pour la BD qui est visuelle, qui est pas audio pour le coup, mais en tout cas les trois, c'est l'image qui prime, et c'est un roman qui est très visuel. Ouais. J'ai adoré. J'ai aussi fait ce roman pour pouvoir mettre des tours Eiffel partout, et de faire voler des paquebots. De faire aborder Mars par des paquebots, avec des grues qui déchargent des passagers. Depuis le ciel, voilà. Ouais. C'est, ça marche, hein, parce que quand je suis arrivé au Grand Palais éphémère, je cherchais des autres tours Eiffel, je cherchais des paquebots dans le ciel. Vraiment, ça m'a marqué cette lecture. Si je vous parlais un petit peu aussi de cette variété de supports envisagés, c'est qu'aujourd'hui, la science-fiction est plutôt en forme et justement se distingue dans tous ces supports-là que j'évoquais. Est-ce que... comment vous expliquez-vous, si on s'extrait un petit peu maintenant des temps ultramodernes, moderne et qu'on a des considérations un peu plus générales sur la science-fiction. Quel moment de la science-fiction traverse-t-on aujourd'hui en France? Est-ce que la science-fiction connaît un haut et comment on l'explique, ce regain d'intérêt et ce regain de lecteurs pour la science-fiction? Alors, bien malin qui pourrait le dire, je pense. Oui, la SF, elle traverse un haut. Je pense que beaucoup de monde est attentif à ce qui s'y passe. Et c'est une très bonne chose. D'abord, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne chose qu'une société cherche à se penser dans l'avenir. Et ce qui prouve d'ailleurs qu'on est dans une situation de crise, mais qui n'est pas une crise paralysante, contrairement à d'autres périodes. Donc, je trouve qu'on vit une période qui est extrêmement difficile. Et là, je pense vraiment à la planète elle-même, à l'écologie, aux extinctions de masse. On vit une période critique, mais c'est une période qui ne nous empêche pas de penser, bien au contraire. Justement, cet environnement écologique-là, dans les temps ultramodernes, comment vous le rapprochez d'une autre et quelle problématique commune il y a? Ah bah, c'est une catastrophe. Tout simplement. Clairement, c'est une catastrophe écologique, les temps ultramodernes, parce que, en plus de ça, on est dans une période pré-écologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on sait pas, en 1925, ce que c'est qu'un écosystème. Le mot vient à peine d'être inventé par un Russe, qui s'appelle Vernadsky, mais ça n'a pas du tout transpiré, ça fait pas partie du tout de l'écologie n'existe pas. Mmh. J'effleure juste le sujet avec les plateformes de chasse, où on peut effectivement exterminer des espèces entières sans que ça pose trop de problèmes en réalité. Mais en même temps, c'est la naissance, et c'est là aussi que c'est pas une dystopie, c'est-à-dire que je prends un monde qui est en mouvement, mais qui n'est pas mort entre guillemets, qui évolue tout le temps. C'est aussi la naissance de la société protectrice des animaux. C'est aussi voilà, il se passe des choses et c'est des moments de prise de conscience aussi. Mmh. Laurent Genefort, le temps file, alors on va parler un petit peu maintenant de l'avenir et des travaux auxquels vous vous attelez en ce moment. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu si vous êtes en ce moment même en train d'écrire un futur roman? Et si oui, sur quoi ça va porter? Alors, je suis en train d'écrire quelques nouvelles relatives au temps ultramoderne. Parce qu'il y a un certain nombre de lieux que j'ai pas encore explorés et qui s'inscrivent très bien dans les temps ultramodernes. Et puis quelques lieux comme par exemple les paquebots volants que j'ai pas que je montre de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Donc c'est vrai que ça c'est un mystère. On rentre jamais sur les paquebots. On rentre dans les vaisseaux spatiaux, mais les paquebots restent toujours des espèces d'entités flottantes, un petit peu comme des zeppelins qui planent lourdement au-dessus du ciel de la ville. Exactement. Donc là, je suis en train de faire une nouvelle là-dessus. Et puis sinon, mon prochain roman se passera. Alors retour en 2060. Donc ce sera un roman de fiction spéculative ou d'anticipation, appelez ça comme vous voulez. Quelle recherche vous faites dans le cadre de ces travaux-là? Parce que on parlait de physique, d'atomes. Alors là, c'est de la médecine légale, aucun rapport. Voilà. De la médecine. Même si dans les temps ultramodernes, à un moment, il y a une autopsie de Martien. Qui est assez. Alors celle-ci, elle est vraiment très précise, elle est un peu crue. Et c'est fou parce que, alors ça, c'est un truc qui m'a marqué vraiment dans votre écriture, c'est que c'est extrêmement. Tous les sens sont convoqués. Alors là, on entend la peau du Martien qui craque. On évoque même à un moment, je crois, le goût de la viande de Martien. Il y a plein de choses comme ça qui suscitent tous les sens. Est-ce que ça, c'est aussi pour vous une obligation en tant qu'auteur de plonger les lecteurs dans cette espèce de monde sensuel que vous imaginez? Oui, tout le temps, mais ça fait, à la rigueur, c'est du travail de romancier normal, quoi. Mmh. C'est-à-dire que je vis l'aventure. C'est pour ça que quand j'écris toujours de façon chronologique pour vivre l'aventure en même temps que mes personnages. Je n'écris jamais par petits bouts. Mmh. J'écris vraiment dans la. Je crée mes notes de façon très éparse. Et là, c'est complètement organique et c'est pas chronologique du tout. Mais à partir du moment où je commence à rédiger, je rédige vraiment du début jusqu'à la fin sans interruption. Mmh. Voilà. Sur les temps ultramodernes, est-ce qu'on peut dire que vous avez voulu faire peut-être une espèce de synthèse de tout ce que vous savez faire en matière de science-fiction, sachant que l'Uchronie était un genre vers lequel, vous le disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas ou jamais vraiment allé. Le space opéra beaucoup. Est-ce que là, vous avez vraiment voulu faire une espèce de livre-somme, une espèce de bilan personnel science-fictionnel? Alors, non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est juste un livre que j'avais besoin d'écrire maintenant. et voilà que j'avais juste besoin d'écrire. Et mais c'est presque l'inverse en réalité. C'est un bouquin qui m'a paru difficile. Et donc, il fallait que je me colte au truc, quoi, pour me débarrasser de ce truc qui me grattait. Voilà, si on doit retenir les choses les plus difficiles qui ont été l'objet de ce travail-là. Le truc le plus difficile, finalement, en fait, c'est de me mettre. C'est pas que ça a été difficile, c'est que ça a été surtout enthousiasmant de me mettre dans la peau d'un Français et de Français et de Françaises du début du XXe siècle. Avec l'idée de les traiter comme mes Martiens, quasiment. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'on est aussi éloigné d'eux que peut-être qu'un habitant d'une autre planète, parce que les référents, le référentiel historique, la vision du monde était très éloignée de la nôtre, finalement. Et voilà. Donc j'ai essayé de me rapprocher, de faire une espèce de mouvement de va-et-vient entre une mise à distance, justement, en les prenant comme un objet d'altérité et un travail de romancier où je me mets à leur place. À leur place, comment vous y êtes mis? Ça passe beaucoup par le langage. Il y a des expressions très populaires aussi dans certains tics de langage. Oui, des où ça passe par l'empathie, tout simplement. Alors, il y a le travail littéraire, évidemment, mais c'est juste me mettre à leur place, quoi, tout simplement. Me mettre dans les chaussures. Alors, c'était pas évident pour mon docteur chéri, qui est un épouvantable personnage. Pour moi, c'est un des plus intéressants, en fait, malgré tout. Parce que je me reconnais pas du tout en lui. Enfin, il n'y a rien de plus éloigné de moi que ce personnage-là. Et donc, de le faire vivre, là, ça a été peut-être pas un défi, mais ça a été très, très à la fois horrifique et enthousiasmant en même temps. Parce qu'il a ses propres raisons. Il a une logique interne et c'est une logique qui tient. Et c'est vraiment un des personnages les plus mystérieux justement de ce livre-là, parce qu'on le sent toujours en réserve, enfin sur la réserve par rapport à ses interlocutrices et ses interlocuteurs. Il est en position de surplomb. En même temps, il a été mis au banc de la société à cause d'expériences redoutables qu'il a faites. Et toute cette frustration-là, il la reporte en s'embarquant pour Mars. Enfin, c'est vraiment. En fait, voilà, c'est comment un personnage, pour spécifier, il a stérilisé des femmes, mais par milliers. Hein. Donc c'est un eugéniste qui a les moyens de ses ambitions, on va dire. Et ce personnage-là, il veut transformer la société, et c'est ça peut-être le nœud du personnage et comment moi je l'ai traité. C'est comment un personnage qui a du pouvoir, qui a de la connaissance, qui veut transformer la société, mais qui n'a pas la moindre empathie pour son prochain. Et il y arrive. Il y arrive, en plus, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'il y arrive. Dans une certaine mesure, mais oui. Comment me mettre dans ses chaussures, à sa place, et légitimer son action de son propre point de vue. Voilà. Gros travail pour ce personnage. Tous les personnages ne sont pas des salauds dans les temps ultramodernes de Laurent Genefort. Merci beaucoup à vous, Laurent Genefort, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Lisez ce livre. Merci à vous d'être venu nous écouter ici au Festival du Livre de Paris, où France Culture a encore un programme riche toute la journée, mais aussi tout le week-end. Vous trouverez tout ce chouette programme sur le site franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Eve Etienne, Alexandra Delbo, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Olivia Branger, Charles Bouticourt, Patrick Beaulieu. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.